Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté de Corée du Sud a tenu le 3 juillet une conférence de presse devant le siège du Parti de la Corée libre pour exiger sa dissolution.